Très bien. Ben, on va passer à la chronique de Mélia Roger. Bonjour Mélia. Hello. On te laisse l'antenne. Yes. C'est tout, il est 22h18. Chronique de terrain. Une proposition radiophonique de Mélia Roger pour le festival Archipel. Je peux parler? Ok, waouh, il y avait un délai. Spatio-temporel, c'était incroyable. Ok, bon, aujourd'hui, on va entendre les sons de Patricia Yegi. Donc, Patricia Yegi est une chercheuse en musicologie à l'université de Lucerne. D'abord concernée par l'importance des chants d'oiseaux dans les paysages sonores, sa recherche a beaucoup évolué vers un questionnement plus global de l'écoute. Et pour cette chronique, elle nous partage donc des enregistrements intimes réalisés durant le confinement qu'elle a passé dans la vallée de Davos. La plupart des maisons restent vides à l'année, mais quelques-unes sont habitées pendant l'été. Et en cette absence humaine, les animaux n'ont pas forcément peur lorsque certains, certaines se promènent sur les sentiers. En partant chaque matin avant le lever du soleil, Patricia a commencé à porter son écoute vers les non-humains, les animaux, mais a aussi tourné le micro vers elle. Donc je vous conseille vivement d'écouter cette chronique au casque, car il sera question de tout petits sons, de voix chuchotées sur le terrain, en anglais et en allemand. What voice is that? That stopped already singing. Avant le lever du soleil, les oiseaux sont très actifs, ou tout le, aussi les autres animaux sont très actifs. Oui, j'ai commencé à faire des promenades. Et oui, je voulais les enregistrer seulement pour un expériment. Et là, oui, au début, je n'ai pas parlé sur les enregistrements. Et après, d'un coup, j'ai pensé, mais c'est peut-être intéressant aussi si je dis quelque chose, tu as les émotions, les trucs qui se passent qu'on ne peut pas entendre. Tu vois, s'il y a un animal qui se bouge, mais qui ne se bouge pas, qu'on peut l'entendre comme un oiseau qui est dans l'air, on ne peut pas bien entendre. Et c'est pour ça que c'est peut-être intéressant d'avoir aussi la voix qui aide aussi d'avoir des impressions des autres sens que nous avons. Et moi, je pensais aussi d'idées de recherche, de auto-ethnographie. C'était intéressant d'arrêter ma silence et de commencer à commenter ce qui se passe. There was a deer on the meadow between patches of forest, and it moves very slowly while eating into back into the forest. And the birds are flying around. There is a tunnel miser in front of me. in the flowers. And probably, despite feeling very cold, I move a bit towards the cuckoo again. J'ai marché là, dehors, et oui, je ne pourrais pas m'arrêter, mais j'ai eu très très froid, c'était très froid. Et je ne pourrais plus sentir mes mains. Et oui, ça produisait aussi beaucoup de handling noise, parce que si tu es dans un moment comme ça, tu ne penses plus si beaucoup qu'à l'enregistrement. Tu veux rester... Gandhi, you want to stay alive? There's a squirrel also, so these crackling noises are from a squirrel. Also, I think. J'essaie de rendre quelque chose de l'intérieur dehors. Et oui, je parle. Et parfois, j'ai eu l'impression que les animaux, ils réagissent. Et parfois, j'ai aussi l'impression qu'ils s'en foutent. Et c'est aussi très agréable, si tu veux. Je peux parler, et pour eux, c'est totalement normal. Si c'est un écureuil, ils s'en foutent. Si c'est moi, ils s'en foutent. Oui, je ne me sens pas comme un... que quelqu'un qui become an intruder. I'm shivering. Creatures here that are waking up. C'est anglais, c'est des mots suisses, c'est un peu des mots que je ne comprends pas moi-même, c'est un peu mix, c'est très bizarre. C'est de certains mots, ce n'est pas des mots qui existent. Je dis I'm hearing. Je n'ai aucune idée ce que ça veut dire. Peut-être que je voulais dire « I'm shivering » parce que j'ai froid, mais je ne pourrais pas dire le feu. Peut-être que j'aurais dit froid. Je ne sais pas. C'est bizarre. Quand j'ai réécouté les enregistrements, je me suis sentie encore là-bas. Les émotions que j'ai eues, elles sont retournées aussi. Ce truc que j'ai dit, ces réalisations, que cet endroit est d'un côté très très bizarre. Mais quand même, les animaux, ils sont retournés là-bas. Ils habitent là, à côté des gens ou des maisons qui ne sont pas habitées par les gens, qui sont un peu abandonnés. Ça faisait une atmosphère très, très spéciale. Et je ne sais pas si ça, c'était aussi la raison que je n'ai pas parlé trop fort. Mais parfois, je n'ai aussi pas parlé trop fort parce que je pensais que c'est peut-être trop fort parce que ça pourrait intimider l'écureuil ou intimider un oiseau. Tu essayes de faire partie de ce qui se passe. C'est comme tu dis, de ne pas m'imposer sur les autres êtres qui vivent là. Merci à Patricia Yegi d'avoir partagé ces enregistrements très intimes, où sa voix chuchote à ses micros, ses pensées, sensations et observations spontanées sans jugement. Je pense que cette position à la fois d'humilité, de gratitude que l'on peut avoir face à ce qu'on rencontre dans le paysage sonore, ça peut parfois être perçu comme romantique, mais rompre le silence par sa voix tout en s'effaçant pour être seulement présente, sans s'imposer, c'est aussi une posture de recherche, une investigation auto-ethnographique, comme elle nous en a parlé, où l'on cherche à entendre ce que le paysage diffuse en nous. Et ben, on se retrouve demain pour une autre chronique de terrain. Et d'ici là, profitez bien des concerts et du festival. Merci beaucoup, Mélia, et à demain. Salut.